Il est temps d'arrêter de se monter l'ego, puis de... Changement de l'ego en esprit. Le travail est fini, là, ben... Ouais. On vient à la maison. Ouais. Parce qu'il n'y a plus rien à hockey. Dans le boomerang, dans le mouvement du boomerang. Il n'y a plus d'objet. Il n'y a plus d'obstacle. Le temps que... La transmutation de l'homme, c'est... Mouvement d'intelligence, puis il revient. Peut-être qu'il tombe. Puis éventuellement, il n'y a plus. Il a juste la précision. Automatiquement, l'intelligence change de niveau. La volonté change de niveau. Les corps s'ajustent à l'autre énergie. Transmutation. Mais tant que ce travail-là de faire tomber les têtes par le boomerang n'est pas fini, il faut que ça soit fait parce que c'est l'ego qui apprend l'expérience. C'est ça qui amène à la transmutation des corps de l'homme. Tu peux pas transmuter sans te servir, sans apprendre à te servir de ton intelligence et de ta volonté. Ou de la volonté de. Il faut qu'elle descende cette affaire-là. C'est dans sa descente que toi, tu transmutes tes corps. Bon, quand tu as fini ça, la paix. Tu sais que tu es capable de viser toute forme du présent. Ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. Instantanément. On sait juste. Tout le temps. Alors, à ce moment-là, il y a quelque chose à faire. T'as pas tiré. C'est ça que j'appelle l'isolation psychique. Devient de plus en plus évidente, de plus en plus nécessaire. Là, t'es bien. Tu peux vivre 300 ans, même. Tu vas voir un médium qui demande des questions sur moi, t'as des... Faut que ton intelligence puisse s'énoncer. Paf! Dis-y, tu parviens à te voir. Parce que, une expérience, moi, je me l'aurais demandé de voir si. Parce que moi, je suis un hyper émotif. Alors, je voulais avoir. Je voulais poser beaucoup de questions pour voir. Puis je voulais parler, mais comment d'où venait mon esprit curé, toute l'affaire. Je me disais, ben, c'est parce que Bernard, lui, il me regarde et dit, lui, que c'est pas un émotif. Ben, du coup, tu regardes toi, quand tu me regardes, moi étant hyper émotif, il regarde ça, puis il dit qu'il faut qu'il soit moins, parce qu'il y a une incompréhension dans mon mouvement à moi. Il dit, lui, quand même, il dit, si tu regardes un peu ce qu'il fait, il est émotif d'un côté, il y a des émotions. Parce que tu regardes, des fois il pleure, ou des fois il se met maudit. Moi, j'ai perçu tout de suite l'incompréhension de la situation où tu es, où tu te situes face à eux autres. C'est comme ça que j'ai perçu des choses. Mais eux autres, ça percevait comme étant encore avec des émotions, avec un certain... Toute la personne qui te décrivait, c'était... C'était pas... C'était dans un mouvement comme un être ordinaire humain fonctionne. Un gars dans une démarche spirituelle. Le gars qui essaye, qui dans son... dans ses découvertes intérieures, vient à avoir une plus grande recherche intérieure, découvrir une stabilité intérieure, des choses comme ça. C'est de l'acquérir l'habitude d'un être réalisé spirituel qui s'en va vers ça. Ils sont obligés de te parler en termes spirituels parce qu'ils sont eux-mêmes dans là-dedans. Là, c'est grâce à des moyens comme ça. S'ils savaient comme je suis un cœur spiritualité, ça serait bien insulté. C'est pour ça, d'ailleurs, quand tu disais qu'il était émotif, je savais que ce qui se passait quand tu faisais des expériences de genre-là, c'était toi le même style de choses. Je me disais, c'est eux autres qui sont amis. Hein. Mais je suis passé armé pour commencer à les poigner les coins. C'est bon, hein? Quand je suis métier, moi, j'ai des clients qui ont l'air en train de faire des petits comptes. Mais tu l'as là?